Évariste Ndikomanyanga. Albert Douer sur la maison d'onde et bienvenue chers auditrices auditeurs de la radio Sanganro à cette édition dont voici d'abord le sommaire. L'unité de production de l'oxygène de l'hôpital régional de Gitega souffre de l'insuffisance du courant électrique car l'hôpital n'est pas doté de son propre transformateur au moment où cette unité nécessite beaucoup d'énergie pour fonctionner, déplore le directeur du dit hôpital. La maladie bactérienne appelée BXW décime des bananeraies de différentes collines de la commune Bururi, province Burunga. Et les agriculteurs qui ne récoltent plus de bananes depuis 4 ans demandent d'autres rejets résistants à cette maladie. Et le prix du charbon a sensiblement monté ces derniers jours dans différents coins de Bujumbura, la capitale économique. Selon les consommateurs, ceux qui vendent cette source d'énergie expliquent que cette flambée des prix est liée au manque criant du carburant. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le bureau central de recensement attend le décret du président de la République pour publier les résultats définitifs du récent recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Et cela a été dit ce mercredi par le directeur de ce bureau. De ce bureau central lors de la présentation des résultats préliminaires de ce recensement. Pour la deuxième fois, Nicolas Ndayishimiye a indiqué que ces résultats vont aider le gouvernement à bien planifier et mettre en œuvre les projets de développement. Suivez-le. Nous venons de présenter les résultats préliminaires du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage édition 2028. Nous les rendons publics pour que ces données puissent servir à la planification, servir au suivi, servir à l'évaluation des politiques et des programmes de développement en cours au Burundi. Je peux dire que ça a été une bonne occasion de présenter à toutes les parties prenantes, les partenaires au développement, les missions diplomatiques accréditées au Burundi y compris, et la partie nationale était là pour suivre effectivement les résultats préliminaires de notre recensement. Et toutes ces parties prenantes ont été appelées à utiliser ces données pour la planification, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement du Burundi. Donc je dois dire que même les résultats issus de ce recensement vont nous permettre d'évaluer le niveau franchi dans la mise en œuvre de notre plan national de développement du Burundi révisé 2018-2027. Les indicateurs aussi ici de ce recensement vont nous permettre d'avoir une situation de base pour notre vision, Burundi étant pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Le propos de Nicolas Ndayishimiye, directeur du BCR, ont été recueillis par Jean-Marie Vianney Nguinda Kumana. L'unité de production de l'oxygène de l'hôpital régional de Gitega souffre de l'insuffisance du courant électrique car l'hôpital n'est pas doté de son propre transformateur au moment où cette unité nécessite beaucoup d'énergie pour fonctionner. Propos du médecin directeur du dit hôpital qui demande à la régie des eaux de lui fournir un transformateur. Le chef d'antenne de la régie des eaux au centre-est du pays dit que les études relatives à l'octroi du transformateur à cette structure de soins sont déjà terminées, mais ne précise pas quand elles seront concrétisées. Les détails avec Jérémy Bikis. L'unité de production de l'oxygène de l'hôpital régional de Gitega date de la fin de l'année dernière 2024, comme l'indique le médecin directeur de cet hôpital, Dr Eric Ndiokubgayo. Il y précise qu'avant sa création, les patients et l'hôpital avaient de la peine d'avoir de l'oxygène. Avant l'arrivée de cette usine, l'hôpital avait pas mal de difficultés, surtout en rapport avec la disponibilité au moment opporté de cet oxygène. Il arrivait des fois là où les patients hospitalisés avaient besoin d'oxygène, mais suite au Rivotril, il ne pouvait pas avoir cet oxygène. Alors, pour se procurer de l'oxygène, l'hôpital devrait se rendre à Bujumbura. Et mais malheureusement, il arrivait des fois, là où on arrivait au lieu d'approvisionnement et qu'on trouvait qu'il n'y a plus rien, donc qu'on devrait attendre 3 jours, 4 jours, voire une semaine, alors que nos patients qui se trouvaient sur les lits des malades souffraient beaucoup. Docteur Eric Ndiokubwayo fait savoir que maintenant l'oxygène n'est plus un problème. Avec cette usine qui est maintenant fonctionnelle, nous produisons 40 bouteilles par jour. Ça, c'est très suffisant pour l'usage hospitalier. C'est-à-dire que les patients en hospitalisation n'ont pas vraiment de problème d'avoir d'oxygène. Toutefois, il parle de l'insuffisance du courant électrique qui empêche l'unité de produire un surplus d'oxygène pour d'autres hôpitaux, faute du transformateur propre à l'hôpital et qu'il réclame par ailleurs. On a quelques défis, surtout liés à l'électricité. Cette usine ne peut pas fonctionner sous l'électricité ordinaire de la fournie par la régie des eaux, suite au manque du transformateur pour pouvoir augmenter la quantité d'électricité que l'usine a besoin pour faire fonctionner. Suite à ce problème, nous utilisons le groupe électrogène. Ce générateur utilise le gasoil et ces derniers jours, le gasoil n'est pas disponible, on ne peut pas avoir au moment où on a besoin, d'où il y a une répercussion sur la quantité qu'on produit par jour. Une fois qu'on aura ce transformateur, on pourra produire assez d'oxygène et fournir suffisamment d'autres formations sanitaires et à moindre coût. De son côté, le chef de la régie des eaux Régio Centre-Est, Avite Nibaruta, révèle que les études d'installation d'un transformateur à l'hôpital régional de Gitega sont déjà terminées, mais ne précise pas quand elles seront concrétisées. Depuis Gitega, Jehani Bigira pour la radio Isanganiro. Gérard Nibigui, la page santé, toujours tout patient a le droit de recevoir tous les soins dont il a besoin. Propos de Pierre Nindereye, président de l'association burundaise pour la défense des droits des malades, après que les habitants de différents coins du pays aient déploré la pénurie des médicaments au sein des structures sanitaires. Pierre Nindereye indique que la BDDM est préoccupée par cette situation et il appelle les autorités habilitées à prendre des mesures qui s'imposent. On l'écoute. En tant qu'association de défense des droits des malades, nous sommes profondément préoccupés par la situation actuelle au Burundi, où les patients rencontrent des difficultés à trouver les médicaments nécessaires après avoir consulté les structures de soins. Cette pénurie de médicaments compromet gravement le droit des patients à recevoir les soins dont ils ont besoin pour guérir. Nous interpellons les autorités compétentes du Burundi à prendre des mesures urgentes pour remédier à cette situation alarmante. L'accès aux médicaments, c'est essentiel, est un droit fondamental pour tout individu en quête de soins de santé. Il est impératif que les structures de soins soient correctement approvisionnées en médicaments afin de garantir un traitement efficace et adéquat pour tous les patients. Nous exhortons les autorités de la santé à prendre des mesures immédiates pour résoudre ce problème et à veiller à ce que les patients aient accès aux médicaments prescrits par les professionnels de santé. Les patients ne doivent pas être laissés sans traitement après avoir consulté un professionnel de la santé. Il est de la responsabilité de l'État de garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Cap sur le sud du pays où certaines des bananeraies des collines Murago et Mugozi en commune Bururi, province Burunga, sont menacées par une maladie bactérienne appelée BXW. Les agriculteurs qui ne récoltent plus les bananes depuis 4 ans demandent d'autres rejets résistants à cette maladie. Arracher les plants malades et les détruire hors champ, Replanter des rejets sains après 6 mois sont parmi les conseillers prodigués par les chargés d'agriculture dans cette commune aux agriculteurs de l'État avec Zeno Nzambiman. Selon les agriculteurs de la sous-colline Mosebeyi, colline Lago de la commune Bururi, parmi les signes de cette maladie qui ont attaqué leur bananeraie figure le jaunissement des feuilles, le mûrissement des fruits alors que le régime de banane est encore jeune, le racornissement du bourgeon terminal et un puits qui sort de la tige coupée. Ces agriculteurs des collines Murago et Mugozi, menacés par cette maladie, disent qu'ils ne récoltent plus les bananes depuis 4 ans et sont dans l'extrême pauvreté. Ils disent qu'ils ne sont plus capables de satisfaire certains des besoins fondamentaux de leur famille. Ils grognent que même le prix de la bière locale Ugwagwa, dont une bouteille s'achetait à 500 francs burundais avant cette maladie, s'achète aujourd'hui à un prix variant entre 2500 et 3000 francs burundais suite à cette maladie. Ils demandent aux agronomes d'organiser des visites d'encadrement sur ces collines et au ministère ayant l'agriculture dans ses attributions de chercher d'autres rejets plus résistants à cette maladie. Les informations fournies par ces agronomes disent que cette maladie est connue. Il s'agit d'une maladie bactérienne appelée BXW, signalée d'ailleurs sur d'autres collines de l'ancienne commune de Bururi depuis plus de 10 ans. Pour arrêter la propagation de cette maladie, ces agronomes appellent les agriculteurs à arracher les plants malades et les détruire hors champ, à désinfecter à feu les outils comme la roue et la machette utilisés, à replanter des rejets provenant des zones saines 6 mois après le déracinement des plants malades et à enlever chaque fois les fleurs mâles après que tous les doigts soient formés. Ces techniciens agronomes confirme que les agriculteurs qui ont déjà mis en application tous ces conseils ne se lamentent plus, car la récolte est aujourd'hui bonne. Depuis Mousseveyi, en commune de Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zeno Nzambimana pour tous ces détails. Les détenteurs de débit de boissons de modèle C doivent désormais payer une somme comprise entre 10 millions et 50 millions pour licence d'exploitation selon la loi régissant le budget général de l'État, exercice 2025-2026. À ce sujet, le ministère du Commerce, dans un communiqué relatif du 14 juillet, invite ces derniers à actualiser leur licence et à payer avant le 15 août 2025 les détails avec Jean de Dieu Irakoutse. L'article 90 de la loi modifiée régissant le budget général de l'État, exercice découlé, établissait une catégorie unique pour les débits de boissons de modèle C. Cela était réservé aux opérateurs qui majoraient 2001 et plus sur le prix officiel dont la licence d'exploitation revenait à 10 millions de francs burundais. Des changements ont été opérés dans l'actuelle loi régissant ce budget, exercice en cours. Ce modèle C a été réparti en 4 catégories, comme le souligne l'article 110 pour la catégorie 5.1 avec majoration de 1001 à 2000 francs burundais, la licence revient à 10 millions de francs burundais. C2 avec la majoration de 2001 à 3000 francs burundais, elle est fixée à 20 millions de francs burundais. La licence d'exploitation pour la catégorie C3 appliquant une augmentation de 3001 à 5000 francs burundais, la licence est fixée à 30 millions au moment où la catégorie C4 ajoutant de 5001 et plus payera 50 millions de francs burundais. Dans un communiqué relatif aux licences d'exploitation du 14 juillet 2025, le ministère du Commerce appelle à tout établissement commercial de débit de boissons de modèle C de procéder à la demande d'actualisation des licences et de payer les frais de licence avant le 15 août 2025. Pour les exploitants des boîtes de nuit, le coût des licences passe du simple au triple, de 5 millions dans le budget écoulé à 15 millions dans la loi budgétaire actuelle, exercice 2025-2026. Jean de Dieu, il a causé à Marie de Bujumbura, le prix du sac de charbon a grimpé depuis plus de 8 mois et son prix reste inchangé alors que pendant la saison sèche, il était revu à la baisse. Lors des années antérieures, témoignage de certains habitants des quartiers Kinanira et Moussama, au sud de Bujumbura, la capitale économique. Certains parmi ces habitants indiquent que cette augmentation de prix du charbon ne leur facilite pas la vie. même son de cloche avec les grooms qui attestent que cette situation crée des tensions avec leur patron, tandis que les vendeurs de charbon affirment que cette situation est due à la pénurie du carburant. Le point avec Sheila Irambona. Selon les témoignages de certains gens de la localité de Kinanila 1 de la commune Muha, normalement, en période de saison sèche, le prix du sac de charbon diminue car les routes de l'intérieur du pays sont praticables. Mais depuis plus de 8 mois, le prix reste inchangé et de déplorer que cela touche leur famille. Selon eux, avant cette période, une famille de 4 personnes pouvait utiliser 2000 francs de bout par jour. Auparavant, on utilisait le charbon de 2000 francs et c'était largement suffisant. Nous achetons le charbon à 5000 francs bout chaque jour. Vous comprenez que c'est au-dessus de nos moyens. Déjà trouver la ratio journalière qui tourne autour de 20 000 francs bout, c'était difficile. Et voilà, cela vient empirer la situation. Nos enfants vont être mal nourris. Et au quartier Moussama de la zone Kenyusha, ce sont les grooms qui se plaignent. Ils indiquent que cette situation crée des mésententes avec leur patron. Nos employeurs ne nous comprennent pas souvent. Ils nous accusent d'avoir acheté une petite portion, or que ça équivaut à la somme que nous avions. Du côté des vendeurs, ils assurent que cette situation ne dépend pas d'eux et qu'il est dû essentiellement au problème de carburant. Pour ce petit seau, c'est 2000 francs. Avant, c'était 1000 francs. Pour un petit sac, c'était 110 000 francs. Avant, c'était 70 000 francs. C'est peut-être dû au carburant, car ce sont les grossistes qui ont vu à la hausse les prix. Ce n'est pas notre objectif de spéculer sur les prix, car nous aussi, pour un sac, on ne gagne pas 5 000 francs burundais, or que nous y investissons un beau capital. Tous réclament à ce que ce problème soit résolu. Nous demandons que les prix des denrées soient revus à la baisse. Ils augmentent à cause de la pénurie du carburant. Nous demandons qu'ils soient disponibilisés pour que ces prix diminuent. Qu'on nous vend ces sacs à bas prix pour que nos clients aient accès à cela à bas prix. Suite à cette situation, certains habitants de la capitale ont trouvé une solution alternative. Au lieu d'acheter un petit seau de charbon, ils achètent le reste du sac, dit Inchenga, à 6 000 francs. Merci à Sheila Irambona de Bujumbura, Cap sur Kayanza, où certaines des femmes exerçant les activités de maçonnerie dans la ville de Kayanza, commune Kayanza, de la province Butanyerera, disent que cette activité leur permet non seulement à contribuer dans leur famille, mais aussi à réhabiliter les constructions détruites chez elles. Des hommes collègues de ces femmes apprécient la qualité du travail de ces maçons. Venuste Nduimana, qui fut conseiller en charge du développement dans l'ancienne province de Kayanza, appelle les jeunes garçons et filles à exercer différents métiers afin de se préparer à contribuer dans le développement familial et des foyers qu'ils nient et fonderont dans l'avenir. Les détails avec Patrick Sengiouf. Penine Nduimana et Dusabe Joseline sont certaines de ces femmes maçonnes à Kayanza avec lesquelles nous sommes entretenus et qui disent que les débuts de l'exercice de ce métier n'ont pas été faciles pour elles, mais qu'elles ont fini par s'améliorer grâce surtout au soutien de leurs collègues masculins, souligne-t-elle. Elle affirme que non seulement leur métier de maçonnerie leur permet de subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille, mais aussi qu'elles puissent intervenir dans des réparations à domicile et de leur maison. Ces femmes maçonnes à Kayanza disent que dans l'avenir, elle projette de décrocher des contrats de construction comme leurs collègues hommes et plus tard fonder une association des femmes maçonnes pour se développer. Habayo Seleis, il est l'époux de Penine Nduimana, l'une de ses maçons, et il est aussi maçon et dit se réjouir des activités de construction de sa femme, expliquant que lorsqu'il obtiendra un contrat de travail, ils pourront s'y rendre ensemble pour œuvrer en couple et améliorer leur niveau de vie. Des maçons collègues de ces maçons saluent chaleureusement leur courage et leur compétence. compétences ou certains vont même jusqu'à préciser que ces femmes surpassent parfois certains hommes dans l'exercice de son métier de maçonnerie. Pour Venice Ndouimana, ancien conseiller chargé du développement à Kayanza, il invite les jeunes à se prendre d'engouement dans l'exercice de différents métiers pour bâtir leur avenir et contribuer au développement du pays. À Kayanza, il y a d'autres femmes qui exercent des métiers qui jadis étaient réservés seuls aux hommes, tels que la menuiserie, la boucherie, etc. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Il arrive souvent qu'une personne ou un groupe de gens soit perçu d'une manière qui ne correspond pas à ce qu'il est réellement à cause des préjugés perçus comme des réalités. Cela s'explique selon Tarsis Minimana, expert en sociologie, par des événements ou des tensions survenues dans le passé. Les habitants de la colline Ruganza, dans l'ancienne commune de Matongo, confirment ce constat. Il souligne que ces perceptions erronées entraînent souvent des conséquences néfastes dans la société. Francine de Kugayo, chronique. Sur la colline de Ruganza, les habitants affirment que les préjugés et stéréotypes envers les autres sont fréquents, souvent sans fondement réel. Ils disent qu'ils naissent simplement de ce que l'on a entendu, vu chez certaines personnes ou de ce qui a été expliqué de manière biaisée. Ils accusent cette personne à tort, étant que tout ce qui se passe chez elle est le fruit de la corruption. Pourtant, ils travaillent comme tant d'autres avec des domestiques à la maison. Ce n'est pas de la corruption, c'est plutôt une bénédiction, le résultat d'une bonne entente avec ses administrés. L'accuser ainsi sans fondement, c'est décourageant. Il peut arriver qu'une personne adopte un comportement malveillant envers une autre simplement en raison de son appartenance ethnique. Par exemple, certains peuvent dire ouvertement qu'ils n'aiment pas les membres d'une certaine ethnie. Dans ce cas, cette hostilité peut conduire cette personne à penser qu'une telle personne ne doit pas exercer son autorité envers les individus issus de son groupe ethnique. Alice Nsabiyumva, administrateur de l'ancienne commune de Matongo, déclare que ses pensées négatives à l'encontre d'autres groupes bloquent tout développement là où elles existent. Le développement est impossible sur cette colline. Les travaux communautaires ne sont réalisés que par certains, comme si les autres n'étaient pas concernés. Aucune décision prise n'est respectée par ce groupe. En tant que responsable, tu dois organiser des réunions pour apaiser les tensions et rappeler que la vie en communauté ne peut pas se construire sur la méfiance et les soupçons. De son côté, Tarsis Bimenyimana, expert en sociologie, explique que ce comportement trouve ses racines dans un passé douloureux que le pays a traversé. Il estime que cela nuit à la cohésion sociale. Lorsque tu as des préjugés envers quelqu'un, c'est que même si cette personne a fait de belles choses, on a tendance à ne pas les avoir puisque tu as déjà des préjugés. Et là, ces préjugés peuvent conduire à une non-reconnaissance d'une personne ou d'un groupe ou d'un parti politique donné. Dans notre pays, il y a eu des malentendus, il y a eu des crises. Et suite à des crises que le Burundi a connues, les gens peuvent prendre ces crises et dire voilà, puisque pendant cette période-là, c'était un seul parti qui dirigeait. Alors aujourd'hui aussi, puisque c'est un seul parti qui va prendre notre pouvoir, il va aussi agir comme l'autre parti agit. Et cela, bien sûr, peut causer des tueries. Donc on a peur que cette situation pourrait se répéter. Pour cet expert, il est nécessaire de commencer l'éducation à la tolérance et à la compréhension de la famille et de l'introduire également dans les écoles. Il insiste sur le fait que toute faute commise doit être assumée par son auteur et que la justice doit s'appliquer de manière équitable afin de prévenir les injustices et établir une véritable paix sociale. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndoa pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikomananga. Bonne suite de nos programmes.